la jeune fille de l'estampe, par J.H. Rony aîné. L'au-delà, les âmes, la vie immortelle, la réincarnation, murmura mon hôte, tandis que nous achevions une bouteille d'Altesse. Tout cela est possible. Je ne parviens à avoir aucune croyance définie, mais je suis sûr, monsieur, qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent à travers les temps. Sont seulement des formes, est-ce au contraire l'indice de réalité profonde? Peut-être l'un ou l'autre, peut-être les deux, je ne sais pas. Mais j'ai au moins dans ma vie une expérience qui ne me laisse aucun doute sur des retours mystérieux. Vous avez bien regardé ma femme? Je le crois, fis-je. Il me semble que je n'oublierai jamais son visage. Elle passait en ce moment sur la pelouse, la face d'une pâleur saine et magnifique, les yeux longs et mystérieux. Cela étant, reprit l'hôte, je veux vous montrer une estampe. Il alla prendre un livre dans sa bibliothèque, un livre publié chez Nicolas Barbet au palais, sur le second perron de la Sainte-Chapelle en l'an 1672, avec privilège du roi. À la page 280, il me montra l'estampe. Elle représentait une clairière, une source et une jeune femme ou une jeune fille qui se penchait sans doute pour boire. Il y avait entre cette jeune femme et l'épouse de mon hôte une ressemblance frappante, non seulement par les traits du visage, mais par toute la silhouette. N'est-ce pas? Vous la reconnaissez? C'est extraordinaire, dis-je. Je crus que c'était l'expérience annoncée, et je n'y mis en somme qu'une assez curieuse coïncidence. L'hôte sourit. Non, reprit-il, ce n'est pas ce que vous imaginez. L'aventure est un peu plus complexe. Cette estampe n'est qu'un point de départ. Il faut savoir que le volume n'a pas quitté notre famille depuis le règne de Louis XV. J'ignore d'où il nous est venu. C'est au reste un livre assez bizarre que, jeune homme, j'ai lu et relu avec intérêt. La jeune fille m'a toujours séduit. J'ai rêvé d'elle à l'époque heureuse où la vie entière est encore une manière de songe, rêvé avec ardeur, je puis dire avec amour. À 23 ans, je gardais un souvenir charmant de l'estampe. Je faisais alors mon tour de France, une idée qui m'était venue et qui devrait bien venir à un plus grand nombre de nos jeunes hommes. Après 6 mois, je me trouvais dans le Dauphiné, à Chamery, un village du vieux temps, resté fort pareil à ce qu'il devait être à l'époque où un conventionnel fit arrêter puis guillotiner le seigneur de l'endroit. L'auberge où j'étais avait beaucoup de charme, surtout à cause des dons culinaires de la patronne qui connaissait tous les secrets de la vieille cuisine française. Depuis une semaine, j'explorais les environs lorsqu'une nuit j'eus un rêve. L'estampe m'apparut d'abord, plus grande que dans le livre et qui peu à peu se revêtait des couleurs de la terre, de la forêt et du ciel. Ensuite je vis une route qui partait du village de Cancy, que j'avais visité la veille. En rêve, tout dépend de l'émotion. Ces images simples me firent une impression profonde que je retrouvai au réveil. Quand je sortis, il semblait qu'un instinct me conduisit, qui ne tarda pas à me mener à Cancy et à la route. En suivant celle-ci, j'arrivai dans une forêt. Après une assez longue marche, un sentier me tenta et bientôt j'atteignis une clairière. Je fus à peine étonné, en reconnaissant la source et les chênes qui l'ombrageaient. Immobile, à l'entrée de la clairière, cachée par un rideau de verdure, j'étais dans une disposition d'esprit très mystique, je dois l'avouer, et avec le sentiment que l'aventure demeurait incomplète et devait se compléter. Elle se compléta. Après quelque temps, une forme humaine apparut, une jeune fille qui, comme je le voulais, était à l'exacte ressemblance de la jeune fille de l'estampe. Cette ressemblance se retrouvait aussi en partie dans le costume et la coiffure, d'autant que la différence des époques le permettait. La jolie créature s'approcha de la source d'un pas balancé, s'arrêta et se pencha. Ce fut alors la scène même que vous voyez sur l'estampe. Le reste n'a plus rien à faire avec le mystère. Je m'arrangeai pour être reçu par les parents de Mademoiselle Maurienne, et nous nous mariâmes 3 mois plus tard. J'avais écouté le récit avec l'intérêt que nous portons tous à ces histoires qui réveillent le sentiment de l'au-delà. Au fond, je me disais que l'hôte était victime d'une autosuggestion. Certes, la ressemblance entre sa jeune femme et la jeune fille de l'estampe était surprenante, et j'admettais qu'il l'avait vraiment vue la première fois dans une clairière et au bord d'une source. Mais après tout, ce n'était là que de très curieuses coïncidences. L'imagination avait fait le reste. Là où les deux scènes n'offraient qu'une analogie, mon hôte avait créé l'identité. Tandis que je songeais ainsi, un sourire passa sur le visage du conteur. « Je l'ai cru comme vous, » dit-il, répondant directement à ma pensée, « et je le croirais encore, si je n'avais eu l'idée, au moment même de l'événement, d'en fixer l'image à l'aide d'un témoin incorruptible, je veux dire mon Kodak. » Il attira un album posé sur une table et me montra une photographie. Cette fois, le souffle passa sur moi. L'aura dont il est dit dans le livre qu'elle dresse les poils. La photographie reproduisait exactement l'estampe. La source, les ramures qui ombrageaient la jeune fille, les nuages, tout était identique, avec ces différences nécessaires, que la photographie reproduisait directement le site, sans traits, sans hachures, sans procédé humain quelconque. « Voilà, » conclut mon hôte, « ce que cela signifie exactement, je l'ignore. Mais que cela implique des retours, des recommencements dans l'existence, que cela permette de croire à des persistances énigmatiques de l'au-delà, c'est ce qui me paraît aussi certain que mon existence même. » C'était « La fille de l'estampe » par J.H. Roni-Aîné.